boys and girls, this is Rip and Roach. Salut à tous et on se retrouve pour une nouvelle heure de Pop and Rock. Allez, on commence avec ça. Des sessions iTunes dans notre Pop and Rock. Le concept c'est simple, pour faire la programmation, moi je me laisse faire, je lance mon Mac, j'ouvre iTunes, je clique sur lecture et je note les titres qui défilent de façon aléatoire. Comme ça vous avez un aperçu du contenu de mon ordinateur, moi je vais prendre un vrai plaisir à écouter les enchaînements, vous, bah écoutez j'espère aussi, mais ça risque d'être étrange parfois. Après le Don't Stop the Dance de Bryan Ferry qu'on vient d'écouter un instant, on enfourche nos caleçons et on voyage dans l'univers des 16 House Power avec le morceau American Whiz. Thank you. Que le sucré et le salé, aussi opposés que le noir et le blanc, nous allons passer de la voix de Tavin Eugène Edward, de 16 Horsepower qu'on vient d'écouter à l'instant, à celle de John Newman, un petit gars de Leeds du groupe Alt G, avec le morceau Tessellate. Chunks are me. You're a shark and I'm swimming. My heart still thumps as I bleed. I know your friends come sniffing. Triangles are my favorite shape. 3 points where 2 lines meet. Toe to toe, back to back. Let's desolate. Go alone, my flower, and keep my stones along my love, and give along my heart. 3 guns and 1 goes off. 1's empty, 1's not quick enough. 1 burn, 1 red, 1 green. Says a grace while the candle spins. Chunks of you will sit down to seals. Blubber rich in morning. I mash you up, yes, I know, so love away. But it's fair to say, you will still haunt me. Triangles are my favorite shape. 3 points for 2 lines meet. Toe to toe, back to back, let's go. My love, it's very late. Till morning comes. Let's desolate. rain. The nocturne rites in the cruel garden of dark delights. 16 pigeons crawling. Dans Pop and Rock avec le morceau La Gardija. Là on est planté dans les années 80 et une nouvelle fois ce soir on déconnecte tout pour entrer dans un univers encore différent. On va changer d'univers musical, changer de voix du chanteur, changer d'époque, changer de pays et on va enfiler le pyjama de Mathieu Malzieux pour rejoindre Dionysos. Et n'oubliez pas d'aller visiter la page Facebook de RVR et celle de Pop and Rock pour retrouver toutes nos émissions. Dinguer les paumés jouent avec leur manie. Dans leur chambre blindée, leurs fleurs sont carnivores. Et quand leur monstre crie trop près de la sortie,

way of an alien being throughout a cyclopean eye, keeping the keys of our time, one key left behind. And I see those cosmic treasures leading into another kind. 12 keys for a room now couldn't reappear at all. And I walk out, and I walk out to the karma hell. I see those hearts will be harrowing for all who take the step. We'll give you all our care, and the room held the karma. Jusqu'à Power, Alto G, Bauhaus, Dionysos, Hubert Félix Chefen, les Merciful Nuns, à l'instant c'était No One is Innocent. Si vous êtes toujours là, c'est que vous êtes aussi éclectique que moi et que le groupe qui suit ne choquera pas vos oreilles malgré encore une fois un grand écart qui peut être violent pour le commun des auditeurs. On se lance tout de suite avec Savages, Adore. I adore life. gaffe parce qu'alors là, avec cet enchaînement, vos oreilles risquent de saigner. Get along with but I'm damned if I love yours. Allez, si vos oreilles ont saigné après cet écart encore dans notre programmation, on va cautériser tout ça avec Sly and the Family Stones. Spéciale session iTunes qui d'ailleurs se rapproche doucement de sa fin pour ce soir, et on va retrouver deux groupes labellisés pop and rock. Ce sera tout d'abord The Kills, le duo rock de The Kills, qui sera suivi de The Last Shadows Puppets, mais on commence avec The Kills. I'm easily led. Yeah.

voilà, fin de la deuxième session iTunes dans Pop and Rock. À l'instant, on vient d'écouter le groupe français de Les Mignanas et on va se quitter avec ce qui est pour moi un classique de la fin du XXe siècle, classique rock. Le groupe s'appelle The Verve. Le morceau, c'est Bittersweet Symphony. Moi, je vous dis rendez-vous la semaine prochaine, même heure, même endroit. Bisous à tous.